nioka lese edomo patase motema ya mama tete moninga ya Richard Okisi vie ya papi soule. Dilatation y a plaisir, kilo y a bas souvenir, y a sentiment et comme concentré na motema, ni son anga et répété, traversé à relief et à volume, nous autos flexibles et loco les kweya, gani yedo patase. Ma voce è buona. Dalla nene io vie, fermo già polingo vedo. Si camote me come io lasce, pressione le chi monte me calè. Feu de l'amore come io senza extempera. L'inspecteur qui dit kelo kelo. Oh, parce qu'il est vinanga. Nalo le mo courant de rabolingo. Je pilote lia edo ele kelingai. Ma rêve d'amour na manette na filme yeko ispani. Sourire d'amour na yo refrain. Yaba nuance sensuelle. Maloba na yo plein de souffle. Bande fobo ya bo mata cheval a bolingo. Elengi elengi koleka cheval a zoologi. Zo salanga loko la vol d'oiseau. A s'évaporé na se ya elengi. Feu de l'amour et komi kose ma extincteur a bolingo. Ramsès Chikaya Gaïta Kodia. Mon amour, bonbon sucré à sucer. Salam à bas de tante et naba les vrais chéris. Ba quitter la main à nos frais jours. Il y a plaisir, beaucoup t'en aille. Moukou à soua ma mino. Henriette et quand j'y n'en a ma gaï si si. Lolo mi lolo. Ah, beaucoup t'en aille. Hélène Kaleima, Marilyn Kakonde, na Charlie, Malembe, Malembe, slowly, slowly, Malembe, yeah. Maria me Isa Yayana Asna, ah. Ba suisi suisi suisi mamino, Roxane, moi la Léa, Kouwa Suwa mamino, José Kongolo, ah, Mokouta Maye, Patricia Basso, Malembe, Malembe Suwa mamino, Sylvie Bongo. Lole mon ama bonbon sucré à sucé. Nyoka lese, mote malanga, esimo asi, mota yelegi. Nyoka lese, gai alamu. Nyoka lese nga. Nyise kiste abasa si malangai. Nyama kwa kote mamoto na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Nyoka lese nga, nyoka lese nga, nyoka lese nga. chérie. C'est les mecs pour les faire courir. Plus tu les laisses courir, mieux c'est. C'est clair. Ouais, j'avoue. Mmh. Ça va? Bien sûr. Jean-Dominique est au Kemba, est très spécial. Na mama géolimité incontestable. Elle fit boutique. Nzoko sengi nyoka pardon. Ma reine Betty Kidum. Nyoka lese naina fumwa. Nyoka lese naina ripera. Nyoka lese. Président Chabani record. Nyoka lese. Danger, Zakari Bababasu, Bondi Melaye, Mama Ministre Adelaide Mundele Ngolo, le vieux Sylvain Goma Butler, le manager. C'est un APDG Bobo Newman. Chérie, le roi toque vacances. T'as besoin de préparer valise nao. Bobo sana, fimote, melite, na menot. Beda, beda, beda, neye. Chuba, chuba, chuba, ne. Pona loba, chuba, ne. Sua, sua, na mino, na na kecho. Chérie, na mona, mouta, ne. Beda, na ya, beda, na ya, beda, na ya, ma. Jean-Claude Bélier.